Comme une liasse de papier dans les mains, il rejoignait son bureau personnel. Rivière ressentit cette vive douleur au côté droit qui, depuis quelques semaines, le tourmentait. « Ça ne va pas. » Il s'appuya une seconde contre le mur. « C'est ridicule. » Puis il atteignit son fauteuil. Il attendit, essuya un peu de sueur, et quand il fut délivré, travailla. Il compulsait lentement les notes. « Nous avons constaté à Buenos Aires, au cours du démontage du moteur 301, nous infligerons une sanction grave au responsable. » Il signa. « L'escale de Florianopolis, n'ayant pas observé les instructions ?» Il signa. « Nous déplacerons, par mesure disciplinaire, le chef d'aéroplace Richard qui... » Il signa. Puis, comme cette douleur au côté, engourdie, mais présente en lui et nouvelle, comme un sens nouveau de la vie, l'obligeait à penser à soi, il fut presque amer. « Suis-je juste ou injuste ? Je l'ignore. Si je frappe, les pannes diminuent. Le responsable, ce n'est pas l'homme. C'est comme une puissance obscure que l'on ne touche jamais, si l'on ne touche pas tout le monde. Si j'étais très juste, un vol de nuit serait chaque fois une chance de mort. » Il lui vint une certaine lassitude d'avoir tracé si durement cette route. Il pensa que la pitié est bonne. Il feuilletait toujours les notes, absorbé dans son rêve. « Quant à Roblet, à partir d'aujourd'hui, il ne fait plus partie de notre personnel. »